الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا درسنا 23 في المورد العدب الزلال للشيخ النجمي حفظه الله تعالى C'est notre 23e cours autour du livre La source abondante et délicieuse du Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala. فلا زال الكلام إخوة الإسلام مستمرا عن الملاحظة الثالثة وهي إدخالهم المشركين والمنحرفين والضالين في جماعتهم وفتح الأبواب لكل ضال ومنحرف وهذا من ضعف عقيدة الولاء والبراء عند هذه الجماعة ومن عندمها فالإخوان بمصر احتضنوا الروافض ودافعوا عنهم وسعوا سعيا حثيثا في التقريب بين السنة والشيعة ومنظروهم ومن يشار إليهم إليه اليوم بالبنان تسمعوا يقول العالم الشيعي صديقي أخي العالم الشيعي صديقي العالم الشيعي كذا فإنا لله وإنا إليه راجعون دونك Le cours continue autour de la troisième critique qui met Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala sur le groupe d'Yel Ikhwan. Et cette troisième critique, c'est le fait qu'ils rentrent dans leur groupe et dans leur parti, les associateurs et les déviés, ceux qui ont dévié de la voie et les égarés, ils ont ouvert la porte grande, ils ont ouvert une grande porte à tout égaré. Et ça prouve la faiblesse dans leur dogme au niveau de l'alliance et du désaveu. Ou alors que l'alliance et le désaveu, c'est une règle qui n'existe pas chez eux. Les frères musulmans en Égypte et partout à travers le monde accueillent Rafida et les défendent. Et à travers le monde, ils font tout dans leur, ce qui est dans leurs moyens pour essayer de rapprocher Sunna et Shia. Et ceci, c'est comme celui qui veut rapprocher deux contradictions. C'est impossible. Leurs théoriciens et leurs docteurs qu'on désigne avec le doigt, tu les entends parler, mon frère, le savant chiite, mon frère, le chiite, ainsi de suite. Subhanallah. والأمر الثالث في الملاحظة الثالثة قول حسن البنا حين اجتمع بلجنة مشتركة أمريكية بريطانية جالت العالم العربي من أجل قضية فلسطين فالتقى بهم في مصر ممثلا للحركة الإسلامية فقال فأقرر إن خصومتنا لليهود ليست دينية لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية فقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم Et voici le troisième point néfaste dans le groupe d'Yel Ikhwan, c'est-à-dire dans le troisième point, dans la troisième critique, il y a un troisième point néfaste. C'est le fait que Hassan al-Banna a dit lors de sa réunion avec une délégation américaine et britannique qui a fait le tour du monde arabe pour au sujet de la Palestine et les a rencontrés en Égypte, en étant le représentant de la mouvance islamique. Et il a dit, je confirme que notre litige avec les juifs, ce n'est pas un litige religieux. Écoutez bien, notre litige avec les juifs n'est pas un litige religieux. Et c'est ce que dit aussi le Qardaoui. Il dit la même chose. Il dit, je confirme que notre litige avec les juifs n'est pas un litige religieux, car le Coran nous a incités à les prendre comme alliés et comme amis. Et l'islam est une législation humaine avant qu'il soit une législation nationale. Et le Coran a fait les éloges des juifs et il a fait qu'il y a entre nous un point commun. Et il cite comme preuve, il ne controversait pas, il ne débattait pas avec les gens du livre que avec le bien, en le faisant que bien. Quand vous allez avoir un débat avec les gens du livre, faites-le bien. Ça c'est le sens à peu près approximatif du verset qu'il a cité comme preuve. Et il a dit quand le Coran a voulu parler de la situation juive, il a traité la situation juive d'un point de vue économique. Et il cite ce verset du Coran qui dit « Fabi dhulmin » Par l'injustice qu'ils ont commis les juifs, nous leur avons interdit certaines bonnes choses qui étaient licites pour eux. هذا الأمر الثالث في الملاحظة الثالثة. سمعتم قول البنا الآن؟ فلو قال عداوتنا لليهود الموجودين في فلسطين التي اغتصبوها وأقاموا فيها دولة عداوتنا لهم لأجل هذا أما اليهود الموجودين عندنا في مصر والشام ما نحاربهم لأنهم أهل ذمة وعداوتنا فقط لأولئكم الصهاينة في فلسطين من أجل ما فعلوا ممكن يجد له أهل العلم مسوغا لكنه أخذ يستدل ويذكر أشياء عجيبة وأعجب من ذلك أنه يقول أن القرآن حتى على مصافتهم ومصادقتهم كيف هذا يا شيخ حسن وأن القرآن لما أراد أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الناحية الاقتصادية مع أن الله عز وجل فضح اليهود وبين أنهم كفرة وقتلوا الأنبياء وملاحدة وبين أنهم من أكبر الناس عنادا وكفرا فالبنا أتى بأشياء عجيبة وغريبة لو قالها غيره لقيل هذا رجل علماني وما عنده فهم للإسلام أو لا يعرف القرآن لكن البنا حافظ للقرآن وما يعرف هذا. Donc ce point sur lequel attire l'attention que nous vient de nous citer Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, c'est le troisième point dans la troisième critique. Vous avez entendu la parole d'Al-Binna qui dit que notre problème avec les juifs qui se trouvent, vous avez entendu sa parole de dire comme quoi notre problème n'est pas un problème religieux. Et s'il avait dit que notre problème avec les juifs qui se trouvent en Palestine, qu'ils ont spolié et sur laquelle, la terre des Palestiniens sur laquelle ils ont fait un état, notre problème est là. Et que nous n'avons pas de problème avec les juifs qui se trouvent en Égypte ou en Syrie ou en Jordanie ou ailleurs, nous ne le combattons pas parce que ce sont des gens qui sont protégés et qui sont sous la tutelle de nos gouverneurs. Mais notre problème est tout simplement avec ces sionistes en Palestine, avec ce qu'ils font là-bas. Peut-être que les hommes de science lui ont retrouvé une issue. Mais il est parti trop loin. Il a commencé à faire des preuves et à ramener des choses étonnantes. Et il dit même que le Coran nous incite à les prendre comme amis. Comment ça, Hassan al-Banna? Comment ça, le Coran nous incite à les prendre comme amis? Il a dit même, il est allé plus loin, comme vous l'avez entendu, que le Coran, quand il a voulu traiter la situation juive, il l'a traité d'un point de vue économique. Alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, demande verset à divulguer la situation des juifs. Il a montré que ce sont des mécréants, que ce sont des assassins des prophètes, et qu'ils ont dévié de la voie, et que ce sont les pires des gens qui sont entêtés dans leur mécréance. Le Benna a ramené des choses étonnantes et étranges. Si quelqu'un d'autre l'avait dit, à part Hassan al-Banna, on aurait dit que ça, ce sont les paroles d'un laïc qui ne connaît pas l'islam, qui n'a pas compris l'islam, ou là qui ne connaît pas le Coran. Mais le Benna, il a mémorisé le Coran, il ne sait pas tout ça. سبحان الله. ويقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى في التعليق على هذا الكلام للبنا، وأقول إن هذا مما قص الله عنهم في سورة البقرة وفي سورة المائدة وغيرهما من الصور. أين قول البنا أقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، من قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أنزل الله سبحانه وتعالى ذلك حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من يأتيك بالوحي من الملائكة؟ قال جبريل. قالوا ذاك عدونا من الملائكة، لو كان الذي يأتيك بالوحي ميكائيل لاتبعناك. الشيخ دو كومونسي لا كريتيك دو سو باساج دو دير où sont ces paroles d'Yel Benna par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, et notamment dans Surat al-Baqara et dans Surat al-Ma'ida et d'autres versets et d'autres sourates. La parole de Hassan al-Benna, notre litige et notre problème avec les juifs n'est pas un problème religieux. Mettez-le en face de ce verset d'Yel Coran, vous allez voir. Allah subhanahu wa ta'ala dit des juifs, celui qui est l'ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikaël, Allah subhanahu wa ta'ala est l'ennemi des mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce verset quand les juifs ont dit à Muhammad alayhi sallatu wasalam, qui te ramène la révélation? Ils lui ont dit, parmi les anges. Il leur a dit, c'est Jibril. Ils ont dit, celui-là c'est notre ennemi parmi les anges. Si c'était Mikaël, nous t'aurions suivi. Mais au moins, que ce soit Mikaël ou Jibril, c'est leurs ennemis tous les deux. فأنزل الله هذه الآيات فكيف يقول إن خصومتنا مع اليهود ليست دينية؟ سبحان الله. إن هذا لعجب، أي عجب أن يقرر الله عداوة اليهود له ولملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، ثم يقرر عداوته لهم حين قرروها هم عداوتهم لأوليائهم، ثم يأتي رجل يزعم بأنه يدعو إلى الله ويقرر حتى عدم الخصومة مع اليهود في الدين، مع أن الخصومة أدق من العداوة، فقم يتخاصم الإخوة، فنفي الخصومة يستلزم نفي العداوة وما هو دونها. إن هذا لأمر غريب عجيب وموقف سيء مريب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى descend ce verset. Et comment حسن بن ناس permet de dire que notre litige avec les juifs n'est pas un litige religieux, n'est pas un problème religieux, n'est pas une dispute religieuse. Subhanallah. Ceci est étonnant qu'il confirme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala confirme que le problème qu'il y a entre les musulmans et les juifs, c'est un problème religieux, et que les juifs sont les ennemis des messagers d'Allah azza wa jal et de ses anges. Et il confirme comme quoi ils sont ses ennemis et les ennemis de ses messagers et de ses alliés. Et après, nous arrive un homme qui prétend appeler vers Allah Azza wa Jal, et il confirme qu'il n'y a pas de problème entre les juifs et les musulmans, pas de problème religieux. Alors que le khusuma, c'est quelque chose de plus fort que l'animosité, hein, que l'adversité. Les frères peuvent se disputer. Et le fait de dire qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de dispute, cela implique qu'il n'y a pas de haine, qu'il n'y a pas d'adversité. Ceci est une situation bizarre, étrange, et c'est une position qui est très mauvaise. Nous revenons à Allah, nous sommes à Allah et nous revenons à Allah, Azza wa Jal. Il ne t'étonne pas quand le Qardaoui dit la même chose, que notre problème avec les juifs, c'est un problème de terre et non pas un problème de religion. Ils le tiennent de leur chir directement. Shajaratun ba'duha min ba'd. C'est un arbre, hein, qui est attaché l'un à l'autre. Ils ont les mêmes racines. الأمر الرابع ومن ذلك إقامة حفلا لتكريم السيد محمد عثمان المرغيني، وهذه صدمة عظيمة من قبل الإخوان لهذه الأمة. ومن ذلك إقامته حفلا لتكريم السيد محمد عثمان المرغيني. قال فيه البنا إن دار الإخوان لتسعد أكبر السعادة وتأنس أعظم الإيناس، إذ تستقبل هذه القلوب الطاهرة والنفوس الكريمة أعلام الجهاد وأبطال العروبة وأقطاب قادة السلام. أتقدم إلى الزعيم السوداني الكريم سيد محمد عثمان المرغني وإلى حضرات الذين أجابوا الدعوة بأجل السكر وأعظمه. وهذه صدمة عظيمة من الإخوان، والمرغينية طريقة صوفية سودانية، والمرغيني رأس من رؤوس الشرك، ادعى أن الولاية ختمت به فهو خاتمة الأولياء كما يزعم، ولكنه خاتمة المخرفين. فهذا رجل خرافي كبير وداعية من دعاة الشرك مثل الجفري، بل هو أسوأ من الجفري. رأيتم لو أن الجفري استقبلت جماعة واحتفلت به، ما يكون موقفنا منها؟ نقيم عليها الدنيا. فجماعة الإخوة المفلسين استقبلت من هو أسوأ من الجفري واحتفلت به وأكرمته، كيف بهذه الجماعة التي تدعي الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الإسلام، ومع هذا تحتفي وتكرم رأسا من رؤوس الشرك وعدوا من أعداء التوحيد الذي هو أصل هذا الدين؟ هكذا يكون من يريد إصلاح الأمة؟ فاسمعوا ما يقوله في استقبال رئيس المرغنية. Donc le quatrième point dans la troisième critique ديال الإخوان، le quatrième point néfaste dans la troisième critique. Troisième critique, c'est une critique qui concerne l'alliance, il disait, la troisième critique, qui est une des règles dans les croyances. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, c'est que Hassan ibn al-Ikhwan ont fait une grande fête pour honorer Mohamed Othman al-Mirghani. Et ça, c'est un grand choc pour la communauté musulmane. C'est une grande catastrophe de la part de l'Ikhwan. Ibn al-Ikhwan dit, à cette occasion, la maison d'Yel Ikhwan est heureuse et réjouie. Une grande réjouissance, un grand bonheur, un grand bonheur de... Quand il accueille ses cœurs purs et ses nobles personnes, qui sont les emblèmes du combat et qui sont les héros de l'arabe et qui sont les pivots des commandants de la paix. Et il dit... Je présente aux leaders soudanais, aux nobles leaders soudanais, Sayyid Mohamed Othman al-Mirghani, et à ceux qui ont appelé, qui ont répondu à notre appel, les plus grands remerciements. Et ça, Akhal Islam chasse que c'est un grand choc de la part des Ikhwan. Le Marghaniya, c'est une voie soufie, dans laquelle il y a l'associationnisme. Et le Marghani, c'est l'une des têtes de l'associationnisme. Il a prétendu que c'est lui le dernier diwali. Avec lui, c'est la fin, il n'y a plus de wali. Hein? C'est pour ça qu'on les appelle khatmiya aussi. C'est que la conclusion d'Yal Wilaya est terminée avec eux. Donc il dit que c'est lui la fin, la conclusion du Awliya Allah. Mais en réalité, c'est la conclusion d'Yal Mukhrifin, d'Yal. Hein? Ça, c'est un homme qui vit dans le mythe, dans le nuage. Et c'est un grand da'i à l'associationnisme. Il est comme le Jeffrey. Il est pire que le Jeffrey encore. Imagine-toi qu'un des groupes invite le Jeffrey, il accueille, se réjouit de son accueil. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un tremblement de terre contre ce groupe qui aura accueilli le Jeffrey. Comment maintenant? Les Khwal Muslimin, ils ont accueilli pire que le Jafri. Ils ont fait ses éloges. Et ils étaient réjouis de l'accueillir. Alors que c'est une des têtes de l'associationnisme. Il est un des grands ennemis du monothéisme, qui est la base principale de cette religion. C'est comme ça que doit être celui qui veut le bien de la communauté. C'est comme ça que doit agir celui qui veut ramener la communauté à son honneur et à son apogée et à son âge d'or. Et écoutez ce qu'il a dit dans cette réunion devant les têtes d'Yal Marghaniya. قال أيها السادة لعل الكثير لا يعلمون أننا نحن الإخوان مدينون للسادة المرغنية بدين المودة الخالصة والحفاوة البالغة التي غمرنا بها من قبل ومن بعد كلما ذهب مبعوثنا إلى السودان ولكن دين قديم منذ نشأت الدعوة بالإسماعيلية فقد كان أول أنصارها والمجاهدون لتركيزها الإخوان الختمية فدعوة يجاهد لتركيزها أصحاب وحدة الوجود كيف لتركيزها الإخوان الختمية المرغنية، وقد حضرت في سنة 38 و900 و1000 للميلاد حفلا للإسراء والمعراج في زاوية وخلوة السيد عثمان المرغني الكبير بالإسماعيلية، وهي لا تزال قائمة، ولا زلت أذكر أخانا هناك. فالقلب الختمي والتأييد الختمي يسير مع الدعوة منذ فجرها، وسماحة الشيخ عثمان المرغني الكبير ووارثه السيد محمد عثمان هو أول من حمل هذا اللواء وبشر به، فهذا تاريخ قديم نتحدث عنه أيها السادة، لنعبر لفرع الدوحة الكريمة السيد محمد عثمان عما يكنه الإخوان لسماحته من حب ومودة وتقدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا منقول عن السيسي من المجلد الأول صفحة 259 قافلة الإخوان المسلمين. Et il venait de nous dire, comme il a rapporté par l'un des leurs, dans un livre intitulé sur plusieurs tomes qui s'appelle La caravane des Ikhwan musulmans. Et au premier tome, page 259, il nous dit ceci. Le Benna dit, messieurs, peut-être que beaucoup parmi vous ne savent pas que nous les Ikhwan, nous avons une dette vis-à-vis des nobles merganites. Nous avons une dette d'amour vers eux, un amour sincère pour eux. Parce que auparavant, avant et après, c'est-à-dire avant la naissance d'Al-Ikhwan et après la naissance d'Al-Ikhwan, chaque fois que notre délégué va au Soudan, il est bien accueilli, etc., etc. Enfin, ça, c'est quelque chose que nous leur devons depuis que la da'wa d'Al-Ikhwan est née à l'Ismaïliya. C'est-à-dire que c'est une liaison très profonde entre le fondateur et les frères musulmans avec cette secte dans laquelle il y a Wahdat al-Wujud. Et il dit que parmi les premiers alliés de la da'wa de l'Ikhwan, et pour installer cette da'wa de l'Ikhwan, c'est les frères Khatmiya. C'est-à-dire les frères Marghanit. Pourquoi on les appelle Khatmiya? Parce que leur fondateur a dit que c'est le dernier de l'Awliya. Avec lui qui a eu la conclusion à la fin de l'Awliya. On les appelle Khatmiya al-Marghaniya. Il dit lui-même, j'ai assisté en l'an 1937 à une fête. La fête a été faite pourquoi? Pour l'Isra al-Mi'raj, le voyage nocturne du prophète a.s. et son ascension. Dans une confrérie, dans une retraite spirituelle, Khalwa. Et ça, ce sont les termes d'Yal. Soufiyal, hein? Khalwa, Zawiya. Dans une confrérie et dans la retraite spirituelle du Cheikh, du Sayyid Uthman al-Mirghani, le grand, Sayyid Uthman al-Mirghani, le plus grand parmi eux, à Al-Ismailiyya. Donc ça veut dire qu'il y a une confrérie et qu'il y a une retraite spirituelle d'Yal al-Mirghani, d'Yal la secte al-Mirghaniya en Égypte, à Al-Ismailiyya. Et il dit cette Zawiya, cette retraite spirituelle existe encore de nos jours. Il dit, je me rappelle encore de notre frère là-bas, car le cœur Khatmit et l'aide Khatmit, l'aide Marghanit, va avec Dawa depuis l'aube de cette Dawa. C'est-à-dire, va accompagner les Ikhwan musulmans depuis qu'ils existent, depuis leur fondation. Et son éminent Sayyid Uthman, le Marghani, le Kabir, le Grand, et ses héritiers, Sayyid Mohammed Uthman, ce sont les premiers qui ont pris l'étendard de cette dawa, ils l'ont annoncé. Et ils ont annoncé cette date. Et ça, et ils ont annoncé cette dawa, et ça c'est une histoire qui est ancienne. Nous le disons devant Sada, pour leur Sada al-Marghaniya, pour leur prouver notre réjouissance. Et pour prouver à la fraction de Dawha, la noble fraction de Dawha, une fraction d'Yal al-Marghaniya. Et à Sayyid Mohamed Uthman, de l'amour qu'ont les frères musulmans pour son éminence et pour leur estime. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Hala, c'est la parole du fondateur d'Yal al-Ikhwan al-Muslimin. Hein? Toutes ces catastrophes qui sont réunis chez l'Ikhwan. C'est pour ça que les hommes de science, pour étudier un groupe, pour étudier une secte, il te ramène au fondateur parce que c'est eux. Tu comprends après tout ce qui est, tout ce qui émane des disciples. Parce que les disciples ne sont qu'une réplique de leur fondateur. Et si tu ne connais pas, et si tu ne connais pas le fondateur, les bases de laquelle il débat, les principes fondamentaux du groupe, ben tu ne pourras pas savoir la réalité des choses. Il le reconnaît, qu'est-ce que, et chaque parole, qu'est-ce qu'il porte? D'où vient cette parole? Comme par exemple, si tu ne sais pas le discours que Hassan al-Banna a donné devant la délégation britannique et américaine, au Caire, tu ne peux pas savoir d'où le Qardaoui et autres tiennent que notre problème avec les Juifs, c'est un problème de terre, et non pas un problème religieux. Hein? C'est très important. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى وإن قول البنا إنهم معشر الإخوان مدينون للسادة المرغنية بدين المودة الخالصة والحفاوة البالغة وقوله في الأخير لنعبر لفرع الدوحة الكريمة السيد محمد عثمان المرغني عما يكنه الإخوان لسماحته من حب ومودة وتقدير إن هذا الثناء وهذا التكريم ليدل على واحد من أمرين. Et cherche de critiquer et d'éplucher ces paroles d'Al-Hassan ibn Aldi. Quand ibn Aldi, nos autres ikhwan, nous avons une dette vis-à-vis des nobles marghanites et nous les aimons, nous avons une liaison, nous sommes liés à eux par une liaison sincère et pleine d'amour et de fraternité. Hein? Et quand il dit dans ça, à la fin de son discours, il nous exprime à la branche de Doha, à la noble branche de Doha, à Sayyid Mohamed Othman al-Marghani, ce que l'estime qu'ont les Ikhwa al-Muslimin pour son éminence, et l'amour qu'ils ont, et la fraternité qu'ils ont pour les Marghanites et pour cette noble personne. Est-ce que ces éloges, Cheikh Najmi dit, ces éloges, c'est une oration, prouve deux choses. L'une des deux choses. Il prouve l'une des deux choses. L'amr al-awwal, وهو إما أنه يشارك المرغني في عقيدة وحدة الوجود وهذه سوءة ما مثلها سوءة فالمرغني من أقطاب وحدة الوجود وكهنتها وإما أمر الثاني وهو أن الولاء والبراء منعدم عنده فهل سيفهم هذا الذين عاشوا على التوحيد وربوا على العقيدة السلفية منذ الصغر الشيخ دو نودير ceci prouve l'une des deux choses. Ou alors, premièrement, Al-Banna s'associe avec le Marghani dans les croyances de l'unicité de l'existence, ou Hadat al-Wujud, qui est une croyance de mécréance. Et ça, c'est énorme. C'est une grande catastrophe. Car le Marghani fait partie des pivots de l'unicité de l'existence. L'un des emblèmes. L'un des grands du'at à l'unicité de l'existence. Ou alors, le deuxième point du Cheikh, c'est que la règle de l'alliance et du désaveu n'existe pas, quasi absente chez Jamaat l'Ikhwan al-Muslimin. Est-ce que ça, ceux qui sont nés dans le pays du monothéisme des Chirs et qui ont été éduqués sur une aqidah salafia vont le comprendre ou pas? La même chose on dit nous à nos frères qui ne sont pas éduqués dans un pays du monothéisme. Vous comprenez bien pourquoi les hommes de science font des cours contre l'Ikhwa al-Muslimoun. Ils écrivent des livres. C'est pas une perte de temps qu'un savant se penche et écrit 500 pages ou 600 pages concernant l'Ikhwa al-Muslimoun. Parce que c'est une grande catastrophe. Parce qu'ils détruisent l'une des règles de l'aqida qui est l'alliance et le désaveu. Parce qu'ils négligent le monothéisme. Parce qu'ils veulent rapprocher les contradictions. Ils veulent réunir les choses contradictoires. Sunna et Shia. Comment? Ici, on n'apprend pas les fondements de l'Ikhwan. On ne les connaît pas, on ne les comprend pas. On peut y tomber dedans. Beaucoup de nos frères tombent dedans. Beaucoup de frères disent, vous exagérez dans vos paroles, etc. Ya akhal islam, nous avons un puits aïeul là-dedans. Hudayfa ibn al-Yamam, radiyallahu ta'ala anhu. Il disait, radiyallahu ta'ala anhu, que les gens, à l'époque du prophète al-Islam, demandaient les choses qui amenaient au paradis. Il dit, moi, je demande des choses qui amène en enfer le mal pour ne pas tomber dans ce mal. C'est pour ça que l'un de nos plusieurs dit, عرفتو الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. L'un de nos plusieurs dit, J'ai connu le mal, non pas pour la connaissance du mal, mais pour l'éviter, pour ne pas y tomber dans son mal. Des fois, tu tombes dans un truc d'Al-Ikhwan et tu ne le sais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris ce que c'est que l'Ikhwan, les fondements d'Al-Ikhwan, etc. Et malheureusement, beaucoup de nos frères sont comme ça maintenant. Hein? Ils ont du tamayyu dans leur esprit. Subhanallah. Et ça, c'est très dangereux, parce que ça prouve que la personne ne maîtrise pas la voie de ses pieds. Ce groupe existe, son mal est apparent dans la société, que ce soit ici en Europe ou ailleurs. Il faut en être prévenu. Sinon, vous croyez que les savants perdent leur temps à écrire des livres sur l'Ikhwan et sur la critique de la voie de l'Ikhwan? Que ce soit Cheikh Najmi, que ce soit les élèves de Cheikh Mouqbel, Hafdahoullah Ta'ala et autres. الملاحظة الرابعة لكاتريام كريتيك مانتنون سوى الإخوان تهاونه في التوسل الذي هو من الدرائع المؤدية إلى الشرك واعتباره من الفروع التي لا يهتم بها. لقد صرح البنا بأن التوسل من الأمور الفرعية التي ما زال الخلاف فيها قائما وليست من أمور العقيدة، فقال في الأصل الخامس عشر من الأصول العشرين: والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله تعالى بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من أمور العقيدة. نظرات في رسالة التعاليم الصفحة 177. Il a eu quoi un truc énorme. Un truc énorme. وهنا سيأتي معنا كلام مفيد عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم للشيخ النجمي حفظه الله تعالى، حتى نعلم أن في كتب الردود وفي كتب الردود على الإخوان وغيرهم في علم. البارحة عرفنا أقسام الزيارة، كيف بين لنا الشيخ، وعرفنا قبل أن نبدأ أن ندخل في في في نقد الجماعة جماعة الإخوان أبواب عدة، منها في التوحيد وفي المنهج وفي الاتباع وفي فهم الحزبية. دونك سوما لا كاتريام كريتيك سي كو البنا نيجليج لو سوجي ديال التوسل، لو فيت دو بروندر ان انترميديير بريس كونت اون في ان دعاء اي بروندر ان انترميديير. البنا يل نو نيجليج لوي دون با دامبورتونس، اي سا سي اون دي بورت بور اريفي دون لاسوسياسيونيزم. Il considère que le tawassul c'est un détail. Il ne lui donne pas d'importance. Il Benna a déclaré ça clairement. Il a dit dans le livre Nadarat fi Risalat Ta'alim, hein, c'est une étude sur la Risala d'Il Benna qui est Ta'alim, dans laquelle il y a les 20 fondements qu'a instauré Hassan Benna. Il dit à la page 177, tawassul fait partie des détails dans lesquels il y a une divergence, et la divergence va rester comme ça. Et ce n'est pas un sujet d'Al-Aqida. Comment ce n'est pas un sujet d'Al-Aqida? Tu appelles Allah Azza wa Jal, ce n'est pas un sujet d'Al-Aqida? Tu prends une intermédiaire entre toi et Allah, ce n'est pas un sujet d'Al-Aqida? Et il a dit, fondement 25, parmi les 25 fondements d'Al-Ikhwan, le 15e fondement parmi les 20 fondements d'Al-Ikhwan, et du'a, quand il est accompagné du fait de prendre une intermédiaire par l'une des créatures d'Allah Azza wa Jal, c'est un détail dans lequel il y a une grande divergence. C'est un détail dans lequel il y a une divergence dans la façon de faire ce du'a, et ça ne fait pas partie de l'aqida. Et Allah, vas-y, comprends quelque chose. Et maintenant, avec nous, va arriver quoi? On va encore, comme hier, on a appris qui c'est quoi, les visites qui sont autorisées, celles qui ne sont pas autorisées, les visites associationnisme, et les visites innovation, et la visite sunnah. Là, maintenant, avec Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, il va nous détailler ce que c'est que tawassul. Et qu'on ne dise pas que dans les livres de la critique, il n'y a pas de science. Celui qui dit ça, c'est que lui-même, il est tombé sur sa tête. يقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى: قلت التوسل بالذوات ممنوع ومحرم، فإنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه فعله. أما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاستسقاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فهذا دليل على القائلين بالتوسل بالذوات، لأنه لو كان التوسل بالذوات جائزا ما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء العباس. الشيخ دو كومونسي أكريديكي سو باساج سور لو فيت دو بروندر اون انترميديار. التوسل، il dit التوسل le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire d'une personne est interdit, il est illicite. Et on ne connaît pas un compagnon du prophète qui l'a fait. Quant à la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala au moment de faire la prière et le dua pour la pluie, il a dit: ou Allah, avant nous demandions, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam faisait dua pour nous et tu nous faisais tomber la pluie. Aujourd'hui, nous faisons cette demande par, c'est l'oncle du prophète alayhi salatu salam qui nous fait cette demande. Donne-nous la pluie. Et ça, c'est une preuve contre ceux qui disent qu'on a le droit de prendre une intermédiaire, une personne comme intermédiaire. Parce que si c'est le fait de, dans sa demande, on prend une personne comme intermédiaire, était permis, Omar ibn al-Khattab n'aurait pas été cherché l'oncle du prophète alayhi salatu salam al-Abbas pour faire dua. Il aurait directement demandé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, ça lui a échappé ça? Il a été voir l'Abbas, il lui a dit: mets-toi devant, fais notre dua. Et si c'était permis de demander à Allah par l'intermédiaire d'une personne, Omar ibn al-Khattab, il sait prononcer le nom du prophète alayhi salatu salam, demander: oh Allah, par ton prophète, donne-nous la pluie. Il ne l'a pas fait. Il a cherché l'oncle du prophète, alayhi salatu salam, il a mis en avant, il a dit: fais dua. وهذا الحديث وهذا الأثر عن عمر بن الخطاب في هذه حجة في هذه المسألة، وفيه رد على من يقول بجواز التوسل بالدوات. إذ لو كان التوسل بالدوات جائزا لتوسل عمر بالنبي بقوله: اللهم إنا نسألك بنبينا، ولكنه لم يفعل لأنه لا يجوز، وهو أعلم بهذا الأمر من غيره وممن ابتلينا بهم في هذا الزمان ممن يجيزون التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم كالجفري وأمثاله من القبوريين المخرفين. فعمر رضي الله عنه توسل بدعاء العباس ولم يتوسل بذات العباس. Donc c'est un tard d'Omar ibn al-Khattab qui est authentique. Ce hadith d'Omar ibn al-Khattab qui est authentique. C'est une preuve à ce sujet-là. Comme quoi il n'est pas permis de prendre comme intermédiaire une personne, de dire: oh Allah, fais, donne-nous quelque chose par ton prophète, oh Allah, donne-nous quelque chose. Là, il n'est pas permis. Et si c'était permis, Omar ibn al-Khattab, il l'aurait fait. Oh Allah, nous te demandons par l'intermédiaire de ton prophète, par ton prophète, donne-nous. Mais il ne l'a pas fait. Ça te prouve qu'il n'est pas permis. Parce que si c'était un bien, Omar ibn al-Khattab serait le premier à le faire. Si c'était un bien, لو كان خيرا لسبقونا إليه. Si c'était un bien, ça aurait été les compagnons du prophète alayhi salatu salam seraient le premier à le faire. Et pas comme ont compris ceux avec lesquels nous sommes éprouvés maintenant, à notre époque, qui disent que il est bon, tu peux dire: oh Allah, par ton prophète, fais-moi ceci, donne-moi ceci ou cela, comme le Jafri et les autres corroborés avec. Omar, il a mis en avant l'Abbas et l'Abbas a fait dua directement à Allah Azza wa Jal. Et Omar n'a pas pris, n'a pas dit: oh Allah, par l'Abbas, descend la pluie sur nous. Là, il a mis l'Abbas et l'Abbas a fait dua. Taniyan. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما توسل بدعاء العباس وليس بذاته، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية حين سئل هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه فهو مشروع باتفاق المسلمين، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتوسلون به في حياته وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به. ومقصود الشيخ أنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما مات توسلوا بدعاء عمه العباس، ولهذا قال بعد ذلك: وأما قول القائل اللهم إني أتوسل إليك به، فللعلماء فيه قولان كما لهم في الحلف به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قولان. فتوسل هو أن يقول الإنسان توسل هذا بالذات، هو أن يقول الإنسان أتوسل إليك بالنبي أو بجاه النبي. التوسل بالنبي في قولان لأهل العلم، وسنرى التفصيل. Donc, le deuxième point dans la critique de ce passage de التوسل, c'est que Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه, il a mis en avant pour se rapprocher d'Allah عز وجل le dua de l'Abbas et non pas la personne de l'Abbas. Et Cheikh l'Islam, quand on lui a posé la question, est-ce qu'on peut prendre comme intermédiaire une personne dans notre dua, il a dit, rahimahullah, louange à Allah, est-ce qu'on peut, il est permis de prendre comme intermédiaire la personne du prophète alayhi salam dans nos demandes. Il a dit, rahmatullah alayhi, louange à Allah, quant à tawassul, avec le fait de croire en le prophète alayhi salam, de l'aimer, de lui obéir, de le suivre, le fait de faire des prières sur lui et de demander son intercession, c'est-à-dire demander à Allah azza wa jalla qu'il fasse que le prophète alayhi salatu wassalam soit intercède pour nous le jour de la résurrection. Tout ce qui fait partie des actes du prophète alayhi salatu wassalam et tout ce qui fait partie comme acte ordonné aux serviteurs d'Allah azza wa jalla vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam, cela, à l'unanimité, il est légiféré de faire dua avec. Les sahaba radhiyallahu alayhim, durant la vie du prophète alayhi salatu wassalam, ils lui ont demandé de faire dua pour eux. Et à la mort du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont demandé à qui dua? Ils ont demandé à l'Abbas, comme ils le demandaient à Rasoul sallallahu alayhi wasallam. C'est-à-dire que maintenant, toi, ce qui est légiféré pour nous, c'est de dire, par l'amour que j'ai, ya Allah, par l'amour que j'ai pour ton prophète alayhi salatu wassalam, fais que je réussisse, ou la fait que j'ai des enfants, etc. Là, c'est permis. Mais de dire, par le prophète alayhi salatu wassalam, donne-moi cela, là, c'est pas permis. Les compagnons ne l'ont pas fait. Et si c'était un bien, ça aurait été eux les premiers à le faire. Et le résumé de la parole du Cheikh al-Islam, il dit que à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il demandait, il prenait comme moyen pour se rapprocher de Allah le dua du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a sa mort, ils ont pris comme moyen pour avoir des choses de Allah et pour avoir de la pluie, ils ont pris le dua de l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, l'Abbas. Quant au fait de dire, ou Allah, par ton prophète, fais-moi ceci ou cela, les hommes de science ont deux paroles là-dessus, comme ils ont deux paroles dans le fait de faire un serment avec le prophète alayhi salatu wassalam, ou le Nabi. Elle fait un serment. Il y a deux paroles chez les hommes de science. Wa jumhurul a'imma, ka malikin, wa shafi'i. وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بغيره من الأنبياء والملائكة ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد تنعقد اليمين بها خاصة دون غيره. وسبحان الله، هذه رواية عن الإمام أحمد أن يمين الحالف بالنبي تنعقد، وهذا يدل على أنه لا يوجد بشر معصوم من الخطأ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Donc, cher de nous dire que le fait de demander à Allah Azza wa Jal par le fait de par ton prophète ou par la place de ton prophète, fais-moi cela, etc., Les hommes de science ont deux paroles là-dessus. Hein? Comme ils ont deux paroles dans le fait de faire le serment par Nabi. Ou un Nabi. Hein? De faire le serment par Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la majorité des imams, Imam Malik, Imam Shafi'i, Abu Hanifa, qu'il n'est pas permis de faire le serment avec le prophète alayhi wa sallam. Ni avec les anges. Ni rien. Et que quand on fait un serment, pareil, le serment, il n'a pas lieu. Il n'a pas lieu à l'unanimité des hommes de science. Sauf une version de l'imam Ahmed, qui dit que l'yamin est confirmé quand tu fais le serment avec le nom du prophète, alayhi wa sallam. Et là, les hommes de science disent, gloire à Allah, azza wa jal, hein, que personne n'est épargné de l'erreur que le prophète, alayhi wa sallam. Le fait quand ils ont vu cette parole de l'imam, l'une des versions de la parole de l'imam Ahmed qui dit qu'il est permis de faire un serment par le prophète alayhi salatu wasalam, personne n'est épargné de l'erreur que le prophète alayhi salatu wasalam. Hein? ولكن غير أحمد قال إن هذا إقسام على الله بمخلوق ولكن الرواية الأخرى عنه هي قول جمهور العلماء أنه لا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء. Donc, mais les autres hommes de science, autres que l'imam Ahmed, rahimahullah, ils ont dit que le fait de dire Wan Nabi, le fait de jurer par une créature à Allah, Azzawajal. Et l'autre version de l'imam Ahmed, il dit, comme les autres imams, et contre la majorité des hommes de science, dit qu'il n'est pas permis de le faire, de faire un serment par l'une des créatures d'Allah, Azzawajal, que ce soit les prophètes ou que ce soit les anges. فإنا لا نعلم أحدا من السلف والأئمة قال إنه يقسم به على الله كما لم يقول أنه يقسم به مطلقا الإقسام بالله الإقسام بالنبي على الله في قولك أقسم عليك يا ربي بالنبي إلا أعطيتني كذا والقسم بالنبي وأن تقول والنبي أريد كذا وكذا هذا الفرق. Donc le fait, l'iqsam, hein, je sais pas comment on pourrait le traduire en français, l'iqsam, c'est le fait que je dise, ou Allah, je mets le prophète, par le prophète tu dois me donner, tu me donnes ceci et cela. Et qasama, le fait de faire le serment directement, c'est le fait de dire, wa nabi, je veux kada wa kada. Donc, et il dit, rahmatullah alayhi, Cheikh Najmi, nous ne connaissons aucun parmi salaf ni les imams qui a dit qu'on a le droit de faire le serment avec le prophète alayhi salatu wasalam, au sens large du terme. وَلِهَذَا أَفْتَى أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَا يُقْسَمُ عَلَى اللَّهِ بِأَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ. لكن ذكر له أنه روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإقسام به على الله قال إن صح الحديث كان خاصا به والحديث المذكور لا يدل على إقسام به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والدعاء عبادة والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع والله أعلم. Donc, et c'est pour ça que Abu Muhammad ibn Abd Salam, رحمه الله, a dit qu'il n'est pas, il a fait la sentence comme quoi il n'est pas permis de faire le serment devant Allah, Azza wa Jal, par son prophète, alayhi salatu wasalam, ni par les anges, ni par n'importe quel prophète, alayhi salatu wasalam, autre. Mais on rapporte de lui qu'il a ramené une version d'un hadith qui permet le fait de l'iqsam bi, le fait de dire, uqsimu alayka ya rabbi nabi. Et si le hadith il est valide, aurait été quelque chose qui serait particulier au prophète, alayhi salatu wasalam. Et le hadith qui est cité ne prouve pas le fait de faire l'iqsam bi rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait un serment, qu'il le fasse avec Allah ou qu'il se taise. Celui qui veut faire un serment, qu'il le fasse au nom d'Allah, sinon il se taise. Et il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait un serment avec autre qu'Allah, azza wa jal, ben il a mécru, ou il a associé. Et du'a, c'est une adoration. Et l'adoration, il est basé sur les textes, sur le suivi. Il est décrété, il est arrêté. Et l'adoration, c'est un suivi. Ce n'est pas suivre ses passions. Ce n'est pas innover. Et Allah subhanahu wa ta'ala seul sait, comme il dit, hada, c'est la fin du texte qui a été, rapporté par Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans le Fatawa al-Kubra, tome 1, page 140 à 141. فشيخ الإسلام يرجح ترجيح القسم بالنبي أو الإقسام يرجح تحريم القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الإقسام على الله به القسم بالنبي قول القائل والنبي كذا وكذا الإقسام به على الله وقول القائل أقسم عليك يا رب برسول الله أن تفعل كذا وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أفنو لفت كلي أنتغدي de faire le serment avec le Nabi dire والنبي ou de dire l'autre version c'est uqsimu alayka ya rab bi rasulillah que tu me donnes ceci et cela donc chez Cheikh l'Islam le Taymiyyah les deux cas de figure ne sont pas valables et c'est la voie venant de c'est sur laquelle sont la majorité des hommes de science fa l'amr l'awwal yaqulu Cheikh Najmi hafidhahullah ta'ala on critique de ce passage القول بأن الإقسام على الله بذات أحد من خلقه أو بجاهه محرم لا يجوز هو القول الأحق لأمور منها الشيخ نجمي دو ندير le fait de dire que l'Iqsam faire le serment avec une créature d'Allah Azza wa Jal ou avec le rang d'une créature par une des créatures d'Allah Azza wa Jal ou par le rang de cette créature auprès d'Allah Azza wa Jal il est interdit il n'est pas permis Et ça, c'est la parole véridique et avenante pour plusieurs raisons. L'amr l'awwal. Annahu lam yasah anil nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu fa'alahu aw amara bih. Wa lam yasah an ahadin min as-sahaba annahu fa'alahu aw amara bih. Wa law kana at-tawassul bil jaha wa dhat min al-ibadat allati shar'a Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi la naqalahu ashabuhu anhu naqlan mutawatiran aw mashhuran ka sa'ir al-ibadat allati nuqilat anhu Pourquoi ce n'est pas avenant et que ce n'est pas permis, Cheikh de nous dire, il ne nous a pas été apporté du prophète alayhi qu'il l'ait fait ou qu'il a ordonné de le faire. Il ne nous a pas été rapporté de l'un des compagnons du prophète alayhi que l'un des compagnons l'a fait ou il a ordonné de le faire. Et si c'est le fait de faire le serment par l'une des créatures d'Allah, azzawajal, hein, prendre comme intermédiaire une des créatures d'Allah, azzawajal, ou la l'auront, qu'il a cette créature auprès d'Allah Azza wa Jal, était parmi les adorations, les jefferets min Allah Azza wa Jal, les compagnons du prophète alayhi salam l'auraient transmis à cette communauté. Une grande transmission. Et il sera réputé et connu par les gens, comme toutes les autres formes d'adoration qui nous ont été rapportées par les compagnons du prophète alayhi salam. فهذه المسألة عبادة. والعبادة تحتاج إلى دليل. ولا دليل هنا على التوسل بالذات أو الإقسام أو القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم والأصل المنع والتوقف وهذه عقيدة والأدلة كثيرة في المنع بالحلف بغير الله وأصول ثابتة في شرع الله ومن يستثني من هذه الأصول شيئا فعليه الدليل ولا دليل لو أتاك شخص وقال الإقسام بالنبي جائز قلنا هات برهانك إن كنت صادقا والأصل عندنا في الشرع من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والذي يستثني الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأصل عليه بالدليل ولا دليل وطبعا قضية كفر أو شرك من حلف بغير الله فهذه لها تفصيل عند أهل العلم يجب أن يرجع إليه donc et ce point est très important il concerne une des adorations et l'adoration a besoin d'une preuve Et s'il n'y a pas de preuve, comme quoi il est permis de prendre une intermédiaire dans notre dua. Hein? De prendre une personne comme intermédiaire, ou de prendre le rang, comme intermédiaire, le rang de cette personne, prophète ou ange, etc., auprès de Allah, Zawajal, pour demander. Hein? Et donc, à l'origine, à la base, c'est l'interdiction. S'arrêter de ne pas le faire. Et ça, c'est une aqida, ce sont des croyances. Et les preuves sont nombreuses. Pour nous montrer qu'il est interdit de faire le serment avec autre qu'Allah Azza wa Jal. Et ce sont des preuves qui sont des fondements qui sont ancrés et qui sont solides dans la législation d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui veut faire une exception, comme quoi on peut faire dua, on peut faire le serment par le rang du prophète alayhi salam ou par la personne du prophète alayhi salam, celui-là il doit ramener la preuve. Et qui nous dit que ça c'est permis de dire par Nabi ou de dire par « Oh Allah, par la place qu'il a ton prophète, donne-moi ceci et cela », celui-là, il doit ramener sa preuve. Il a ramené sa preuve s'il est véridique. Et à la base, à l'origine, c'est que dans notre législation, celui qui fait un serment avec autre Allah, Azzawajal, il a mécru ou l'a associé. Et celui qui veut faire l'exception en faisant le serment, comme quoi il autorise le serment avec le prophète alayhi salam, avec le rang, avec son rang ou avec la personne du prophète alayhi salam, celui-là il doit ramener une preuve. Et naturellement, la mécréance et l'associationnisme de celui qui a fait un serment avec autre Allah, Zawajel, ça, il y a un détail, c'est les hommes de science, auquel il faut revenir. Pas dire dès que quelqu'un fait un serment avec, en plus c'est une petite mécréance, c'était un petit associationnisme, comme l'ont décrété les hommes de science dans l'explication du hadith de celui qui veut faire un serment, qu'il le fasse avec Allah ou qu'il se taise, et celui qui fait un serment avec autre qu'Allah, Azzawajal, il a mécru ou il a associé. Les hommes de science le portent sur la petite mécréance et le petit associationnisme. Donc il faut revenir aux détails qu'ont fait les hommes de science. Al-Amr al-Thani. أن كل ما روي في الإقسام بالمخلوق على الخالق والسؤال بجاهه فهو إما موضوع أو ضعيف. انظر كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية والجزء الأول من الفتاوى الكبرى له، وكتاب أوضح الشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة، فيه شيء من التحقيق مقتبس من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، وكتاب الشارة هو للشيخ النجمي حفظه الله تعالى. deuxième point, comme quoi il n'est pas permis de prendre une intermédiaire quand on veut faire son dua, ni le prophète, ni autre, ni de faire le serment avec le prophète, alayhi salam, que tout ce qui a été rapporté, comme quoi on peut faire le serment avec l'une des créatures d'Allah, azzawajal, ou demander à Allah, azzawajal, par le rang de quelqu'un, tout est inventé, non avenant et faible. Et pour cela, pour détailler le sujet, il faut aller dans le livre d'Al Cheikh l'Islam, le Taymiyyat Tawassul al-Wasila, qui a été authentifié par Cheikh Rabi'a Hafidhahullah Ta'ala. Et aller aussi dans le premier tome d'Yal Fatawa al-Kubra, il a aussi un grand détail de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Et dans le livre d'Yal Cheikh Nizmi, Hafidhahullah Ta'ala, qui est le signe le signe clair pour réfuter à ceux qui ont rendu les sites, qui ont autorisé les visites interdites. Et dans ce livre, il y a beaucoup d'authentification, beaucoup de clarifications à ce sujet, et tout ça, Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, il l'a pris des livres de Cheikh l'Islam, le Taymiyyah et autres. L'amr al-Talit, al-Qa'idat al-Shar'iyya, an-Narud al-Mushkila ila al-Wadih wal-Munakkar, ila al-Ma'ruf, bi-an nastab'ida al-Munakkar wa na'khuda bil-Ma'ruf, wal-Ma'ruf min al-Shari'at al-Islamiyya an al-Wasilat al-Ma'mur biha, hiya al-Amal al-Salih, kama fi qawlihi ta'ala, وابتغوا إليه الوسيلة. Donc, le troisième point au niveau de la critique de cette du fait de prendre une intermédiaire avec Allah Azza wa Jalla dans son dua, c'est que la règle de la législation, c'est quand on a un sujet qui est ambigu, qui n'est pas clair, on le ramène vers un sujet clair. On ramène l'ambigu. Et ce qu'on ne reconnaît pas, on n'arrive pas à le déchiffrer, on le ramène vers ce qui est déjà déchiffré, déjà clair. Et qu'on met de côté ce qu'on reconnaît pas et ce qui porte des ambiguïtés. Et on prend ce qu'on connaît, ce qui est clair. Et ce qui est connu dans la législation, ce qui est clair dans la législation, c'est le fait de prendre comme intermédiaire quelqu'un dans le dua, il est interdit. Et que le wasila, l'intermédiaire qu'on peut prendre, c'est comme il est dit dans le Coran, وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ, c'est-à-dire faites des du'as directement à Allah, Azza wa Jal. Et ce qui est connu dans la législation, c'est que tu peux, ta bonne œuvre, tu la mets en avant. Oh Allah, c'est cette œuvre que j'ai faite, je l'ai faite sincèrement pour toi, aide-moi, donne-moi ceci ou donne-moi cela. Ou là tu demandes à l'homme pieux de te faire le du'as. Hada, c'est permis. Le reste, de prendre une personne intermédiaire, de dire, oh Allah, par le rang du prophète, alayhi sallam, ou là, par le rang de Omar ibn al-Khattab, ou par le rang de Jibril, ou là, par Omar ibn al-Khattab, ou autre, hada, ce n'est pas interdit. Hada, c'est interdit. Ce n'est pas autorisé. Pourquoi aller vers l'ambigu? فرد المشكل إلى الواضح هذه قاعدة شرعية. ورب العزة يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Le fait de ramener le sujet ou la phrase dans laquelle il y a des ambiguïtés et qui est problématique et qui présente problème, de la ramener vers une phrase et vers un point clair dans la situation, ça c'est une règle de la législation. Allah Azza wa Jal nous a dit ceci dans le Coran, c'est lui qui t'a descendu un livre dont certains versets sont clairs. Et d'autres, il y a des ambiguïtés dedans. Ne sont moins clairs ou ne sont pas clairs. Ceux qui ont des maladies dans le cœur penchent vers ce qui est ambigu. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent les perturbations. Ce qu'ils font, le Koborio. Hein? Et ils veulent l'interpréter. Hein? Et ils ne connaissent son interprétation qu'Allah Azza wa Jal. Il est déversé comme les attributs d'Allah Azza wa Jal. S'il n'y a qu'Allah qui connaît là l'interprétation du comment de l'attribut d'Allah Azza wa Jal. فأهل الزيغ والباطل يبتغون المتشابه ويتركون المحكم الواضح وأهل العلم يردون المتشابه إلى المحكم الواضح وهذه طريقة أهل العلم وأهل الحق. Donc les gens de la déviation, les gens du fou, les gens qui suivent leur passion, ils cherchent toujours les ambigus, les textes ambigus. Ils délaissent les textes clairs. Et أهل العلم, les hommes de science, ramènent le texte ambigu vers le texte clair. Ils le comprennent à la lumière du texte clair. Et ils mettent en avant le texte clair. Et ça, c'est la voix des hommes de science et les voix des gens de la vérité. وَهُنَا مِتَال قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَمْ مَنْ رَآنِ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِ أَوْ كَأَنَّمَا رَآنِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَتَّلُ بِي. وفي رواية في الصحيح مَنْ رَآنِ فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِ فِي الْيَقَظَةِ. هذه لفظة صحيحة في البخاري. احتج بها الجفري والصوفي معه وقبله على أن الإنسان ممكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة. ولذا لا تعجب من الياسينيين الذين يتبجحون برؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، فهم صوفية خرافية. حتى علي جمعة من كبار أهل العلم في مصر سئل هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ قال يرى وأنا رأيته، وهذا بصوته، واستدل بقوله بقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ورأيته في المنام ورأيته في اليقظة. رأيتم كيف التخريف، كيف الإفك بدون استحياء من الله سبحانه وتعالى. وهذا سببه تركهم المحكم الواضح وتمسكهم بالمتشابه. Donc les gens qui suivent leur passion, qui suivent leur innovation vont toujours vers les sujets et les textes qui ne sont pas clairs. Et ça, vous avez un exemple maintenant. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, il est authentique. Celui qui me voit dans son sommeil, hein, c'est qu'il m'a vu. Car Shaitan ne peut pas prendre ma forme. Shaitan ne peut pas prendre la forme du prophète alayhi wa sallam. Dans une autre version, dans l'authentique, celui qui me voit dans son sommeil, il va me voir dans l'éveil. Mais pas dans ce bas monde. Pas dans ce bas monde. Les deux là. D'accord. Et cette expression, il va me voir dans l'éveil, il est authentique, il est dans Sahih al-Bukhari. Il Jafri, ainsi que les soufis avant lui, s'appuient sur ce texte pour dire, ben, on voit le prophète, on éveille, ici dans ce bas monde, en plein jour. Et t'étonnes pas quand tu entends les Yassinis, nous avons vu le prophète est venu avec nous, etc., etc., il le voit en éveil, tous les jours. Le prophète alayhi salam quitte sa tombe, il vient les voir. Donc ça veut dire que ceux qui font salam au prophète alayhi salatu wassalam, ils vont saluer une tombe vide. Subhanallah. Et l'une des grandes références scientifiques en Égypte, Ali Jama, on lui a demandé est-ce qu'on peut voir le prophète alayhi salatu wassalam en éveil. Il a dit oui, on le voit. Et ceci dans une cassette avec sa voix, je l'ai entendu. Hein? Et il a ramené comme hadith, celui qui me voit en éveil, ben il verra. Celui qui me voit dans le sommeil, il me verra en éveil. Il a dit, moi je l'ai vu dans mon sommeil et je l'ai vu en éveil aussi. Regardez comment. Comment, juste sans pudeur, sans rien du tout, on va. Et ça, pourquoi? Parce que les gens délaissent les textes clairs et vont vers les textes ambigus. La règle de la législation veut qu'on ramène tout ce qui est ambigu vers ce qui est clair. Et donc la parole de l'imam Ahmed, une version où il dit, on peut faire le qasam billah. Ben celle-là, il faut la ramener à la parole claire, qui est sa deuxième version, qui va de pair, qui n'est pas permis. Hein? C'est ainsi, si nous voulons être juste avec l'imam Ahmed et avec les autres imams, c'est de prendre la parole dans laquelle il est en concordance avec les autres hommes de science. Et ne pas prendre la parole où il est tout seul. Et de l'autre côté, il y a l'imam Malik, et l'imam Shafi'i, il y a Abu Hanifa, et les grands imams de la communauté aussi sont de l'autre côté. Alors que l'imam Ahmed, c'est l'un des grands imams de la communauté, c'est l'imam des gens de la sunna, et ceux qui sont unanimes sur la sunna par excellence. Et cela te prouve que personne n'est épargné de l'erreur, que l'erreur, sauf Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Amr Rabi. Fit finidi hadi shuba. Amma hadith Uthman bin Hanif, fawwa in sahha min at-tawassul bid'a'i ila bidati. Wa kawnuhu amara bihi rajulan fi ahdi Uthman, radiyallahu anhu, faqad, anhu faqudiyat hajatu fahada mardudun bi thalatati umur. Amr al-awwal du'af al-riwaya. Amr al-tani. إن صح فهو اجتهاد من عثمان بن حنيف ولم يوافق عليه أحد من الصحابة. الأمر الثالث أن انقضاء حاجة ذلك الرجل لا تدل على شرعية ما أمر به، بل قد تقضى حاجته ابتلاء كما تقضى حاجة المشرك أحيانا إذا دعا غير الله، ولا يدل ذلك على جواز الشرك. Donc le quatrième point pour anéantir cette ambiguïté qui est le fait qu'on a le droit de prendre comme intermédiaire le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le rang qu'il a le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est le hadith de Uthman ibn Hanif. Si ce hadith il est avenant, ben ça serait comme quoi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, ça veut dire que tawassul ici, ça veut dire qu'il faut demander à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de te faire le dua. Et non pas que tu prennes la personnalité de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire dans ton dua auprès d'Allah Azza wa Jal. Et le fait que, à l'époque de Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, Uthman ibn Hanif a ordonné à un homme, a dit à un homme, fais le dua, et que cet homme, son dua a été exaucé, ceci est rejeté de trois points. On attribue à Uthman ibn Hanif, comme quoi il aurait dit à quelqu'un, fais le dua en mettant comme intermédiaire le rang du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ceci est rejeté par trois points. D'abord, le premier point, c'est que la version, elle est faible. Point. Ça y est, on n'en parle plus. Deuxième point, c'est même il était valide, c'est un effort d'interprétation de Uthman ibn Hanif. Et tous les compagnons ne sont pas d'accord avec lui. Donc, à mettre outside, dehors. C'est non avenant. Qu'est-ce qui est non avenant? Cet effort d'interprétation. Mais ouais, c'est un noble compagnon, radiyallahu ta'ala anhu warda. Le troisième point, c'est que quelqu'un, il fait ce genre de dua et que son truc est exaucé, il a ce qu'il veut. Cela ne prouve pas la législation comme quoi ça s'est ordonné. Peut-être que même certains associateurs, leur dua va être exaucé par épreuve pour les enfoncer encore plus et pour les éprouver. Et cela ne prouve pas que l'associationnisme est permis. Le mouchrik, il fait son dua, il a son truc qui est exaucé. Cela prouve la validité de l'associationnisme. Loin de là. C'est comme certains qui font les publicités de certains marabouts, de certains trucs. Ils disent que j'ai été pour ma fille, hein, et ça y est, ma fille s'est mariée. Subhanallah. Ça veut dire que, est-ce que parce que toi t'as été, et qu'il y a eu ce, hein, ça y est, on va faire de ça que c'est valide. Le fait d'aller voir les devins, etc., les sourcils. A'oudou billah. Donc, والأمر الخامس. أن الواجب علينا أن نأخذ بقول أحمد بن حنبل مع الجماعة ونرد قوله وحده فإن قوله مع الجماعة أصح وأحب إلينا من قوله وحده لأنه وإن كان إمام أهل السنة بحق إلا أنه ليس بمعصوم من الخطأ وقد قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le Cinquième point pour anéantir cette da'wa à tawassul, c'est qu'il est obligatoire pour nous de prendre la parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est avec le groupe, qui va de pair avec la parole du groupe, c'est-à-dire dans laquelle il y a l'interdiction. Car sa parole, qui correspond à la parole de l'imam Malik et du Shafi'i d'Abu Hanifa, est avenante. Et il est préférable à nous que sa parole à lui tout seul. Alors qu'il est l'imam des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Cela n'empêche pas que sa parole, dans la vérité, avec l'imam Malik, Abu Hanifa et la majorité des hommes de science, est préférable pour nous, c'est ce que nous aimons, et celle que nous mettons en avant. Même que Cécile, imam Ahmed rahmatullah alayh, c'est l'imam des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, parce qu'il n'est pas épargné de l'erreur, il n'est pas ma'soum, il n'y a qu'un rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui est épargné de l'erreur. Et parce que l'imam Malik nous a dit aussi, de tout un chacun on prend, et de tout un chacun on rejette. De tout un chacun on prend la vérité qui correspond à la législation, on lui rejette le faux qui n'est pas dans la législation. L'amr al-sadis, anna al-qawl bi-jawaji al-tawassul bi-dawat miftahul li-babi sharrin azim, ala wa wa-shirku al-akbar, lanna al-ammata la yaqtasirun ala su'alillahi azza wa jal bi-dat, alladhi huwa bid'a. بل سرعان ما ينقلهم الشيطان من السؤال بالذات إلى سؤال الذات نفسها ومن صبر أحوال الناس لم يساوره في هذا أدنى شك. Le sixième point pour anéantir cette chouba, c'est que le fait de dire qu'il est permis de prendre comme intermédiaire le rang du prophète عليه الصلاة والسلام ou autre, cela c'est ouvrir la plus grande des portes du mal qui amène vers le grand associationnisme. Car le commun du musulman ne vont pas s'arrêter au fait de demander « Oh Allah, par l'intermédiaire de ton prophète, donne-nous. » Ce qui est une bid'a. Mais, Shaitan va les emmener à un degré supérieur qui est l'associationnisme et la mécréance. C'est qu'ils vont directement demander à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont passer à une autre étape. Du fait de dire « Oh Allah, par l'intermédiaire de ton prophète, parleront qu'il a ton prophète auprès de toi. » Ils vont passer « Ya Rasoul Allah, donne-nous. » Shaitan va les transporter directement dans la grande de mes croyances. Et celui qui voit la situation des gens et comment évolue l'awam n'a aucun doute là-dessus qu'il faut fermer cette porte. يعني في الأول يقولون يا رب نسألك بذاتي أو بجاه نبيك ثم ينقلهم الشيطان إلى سؤال النبي مباشرة وهو أهل والشرك الكبير. Ce qui veut dire qu'au départ ils vont commencer. Ou Allah donne-nous par la place, par le rang de ton prophète, alayhi salam. Et la deuxième étape, Shaitan, il les transporte directement dans la grande mécréance, dans le grand associationnisme. Ya Rasulallah, donne-nous. Et ce qui se fait autour des tombes, maintenant par les soufis. L'amr sabi, ou min hada yitabayin laka anna qawl al-banna. Anna qawl al-banna natawassula min al-umur al-far'iyya qawlun batilun. Bal huwa من الأحكام التي تتعلق بالعقيدة وبالله التوفيق. Le septième point, c'est que, partant de là, il apparaît que le fait, la parole d'Al Banna qui dit que le fait tawassul fait partie des détails, cela est une parole non avenante. Parce que ceci fait partie des lois qui ont rapport avec le dogme. Et sans Allah subhanahu wa ta'ala accomplit qui il veut. فهذا تهوين وتسويغ للصوفية والخرافية. إن هذه أمور فرعية كالمسائل التي في فقه الزكاة والصيام أشياء اختلف فيها أهل العلم وأمرها يسير ولكن البنا جعل هذه المسألة الخطيرة من الفروع وهي من صميم العقيدة وسوغ فيها الخلاف ومنع فيها الإنكار وهكذا الإخوان وكل من خالف منهج السلف هكذا يسيرون وإلى هذا يسيرون. Et ça prouve que ça c'est négligé. Cette négligence, cela amène vers la négligence de ce pilier de la foi, de ce pilier dans l'aqida. Et ça c'est permettre aux soufis et aux khurafis de continuer dans cette voie, dans le fait de prendre comme intermédiaire le prophète alayhi salatu salam dans ses dua et la personne du prophète alayhi salatu salam. Quand on dit que ça c'est un détail, c'est comme Il a fait de ça un détail comme les détails qu'il peut y avoir, les divergences qu'il peut y avoir sur certains points dans Zakat, ou là dans Siyam, ou là dans la prière, des choses qui sont faciles, dans lesquelles il y a eu des divergences entre les hommes de science et même entre les Sahaba jusqu'à. Et ces divergences trouvent leur place dans la législation. Hein? Al-Banna, il a fait que Tawassul, c'est un détail aussi, comme les autres détails dans la jurisprudence. Et ceci est très dangereux, parce que Tawassul, il a rapport directement avec les croyances. Et cela te prouve la déviance de ce groupe. Cela te prouve en quoi ce groupe baigne dans le sophisme, et baigne dans la division, la déviance, et dans l'égarement. Hein? Et il ne blâme même pas. Vous avez vu, quand il a fait sa conférence dans Citizen, le mausolée de Citizen, il n'a pas soulevé son mot à blâmer l'associationnisme qui se passe devant lui. Issal, Ikhwan, et ceux qui suivent leur voie, ils sont identiques. Ils agissent de la même sorte sur les sujets principaux de cette religion. Et sur les points essentiels des dogmes. Sallallah, subhanahu wa ta'ala, salam wa al-afiya. Et nous allons reprendre tout à l'heure après salat, le Maghrib, inshallah. Barakallahu fikum, ahsallahu alaykum, jazakumullahu khair.